Prends ton biniou et va chialer le long des côtes américaines. Là-bas le soleil va lever sur une couleur qui n'est pas la tienne. Prends ta raison pour des dollars, le jazz que t'as dans les profondes ira saigner sur le trottoir la symphonie d'un nouveau monde. Prends la nuit pour un peu d'azur, va te la coller sur la peau. Le noir, ça chante aux devantures pour s'oublier dans un saxo. C'est en cinq colonnes à la une, on en parle dans tout Paris. C'est pour te prouver sans rancune que blanc et noir, ça ne fait pas gris. Christophe Colomb aurait mieux fait de ne pas rencontrer l'oncle Tom s'il avait vu où ça menait les chemins qui ne vont pas à Rome. Un monsieur noir m'a dit un jour que Dieu n'était sûrement pas blanc. Pour avoir fait si peu d'amour dans un monde qui voit si grand. Ils ont bonne mine, les amerlots, à vouloir sortir de leur trou. S'ils trouvent que ceux qui habitent là-haut n'ont pas une couleur à leur goût. Le cosmos à grande envergure, ils ont les yeux tellement ailleurs qu'ils n'ont pas vu que dame nature les a fait noirs à l'intérieur. Il ne reste plus que de là-bas, ils trouvent une bombe qui choisirait ce qu'elle tuerait ou ne tuerait pas selon la couleur de leur trait. Et va chanter le long des côtes éternelles. T'en fais pas, ils n'ont rien trouvé, ils cherchent des couleurs nouvelles. Prends ta peau noire et ton cœur triste, va retrouver le vieux Sydney. Dis-lui qu'on allonge la liste et qu'on ne finira jamais. Alors moi qui n'ai pas de couleur sinon celle de mon amour, moi qui t'ai donné tout mon cœur, je m'en irai. Ce sera mon...